Chers auditeurs et auditrices, vous écoutez bien Cinéphile de notre temps, le podcast qui dresse le portrait de cinéphiles travaillant dans le milieu du cinéma. Avant de commencer, nous voudrions remercier nos Patreons qui nous soutiennent financièrement et nous permettent de faire notre travail en toute indépendance. Un grand merci à Lila, Paul, Jean-Noël, Guillaume, Clara, Bernard et Irène. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Si les plateformes ont résumé notre rapport au cinéma ces derniers mois, elles constituent la vie de notre invité depuis le début de sa carrière professionnelle. Il a d'abord participé à lancer la plateforme de vidéo à la demande de la chaîne TF1 et travaille aujourd'hui pour la plateforme de cinéma Filmo TV. Entre-temps, il a créé un ovni sur Internet, une plateforme au doux nom d'Outbuster qui, comme son patronyme l'indique, met en avant des films qui sortent de nos radars ou qui n'y sont parfois jamais rentrés. Essayant de réinventer la programmation et la recommandation des films sur Internet, notre invité mange à tous les râteliers cinématographiques, surtout les plus rares. Nous sommes très heureux et heureuses d'accueillir aujourd'hui à notre micro Étienne Métras. Bienvenue et merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous d'avoir invité. Alors j'ai juste une petite question, est-ce qu'on dit Étienne Métras ou Étienne Métras? Ça dépend de quel côté de la Loire on se situe, mais dans le Nord c'est Métras. Ok, bon bah Métras alors. Alors on va commencer, comme c'est de tradition, par une petite citation. L'algorithme parie que l'avenir ne sera qu'une reproduction du passé. Déjouons cette prophétie sinistre et monotone. Entre 1000 exemples, contre la recommandation, la programmation personnelle, contre l'ordre algorithmique, la cinéphilie comme désordre. Et ça c'était donc Jean-Philippe Tessé dans les Cahiers du cinéma, dans tout un grand dossier lié à la cinéphilie, à la VOD, à Netflix, aux algorithmes, et qui s'intitulait « Dans quel monde entrons-nous ?» Donc, est-ce que ça te fait réagir ? Bah, la question de l'algorithme, oui, me fait réagir, parce qu'elle est au cœur du principe de recommandation sur n'importe quelle plateforme aujourd'hui. Il y a des algorithmes qui ont été développés sur, que ce soit chez les pure players américains, Netflix, Amazon, bon, tout le monde connaît celui de Netflix, même s'il reste un peu mystérieux, hein, c'est comme la recette du Coca-Cola, on sait pas exactement comment ça fonctionne. Mais dès les débuts de toutes ces plateformes-là, les questions de la recommandation un peu algorithmique, c'est-à-dire mécanique basée sur, à la fois les usages des spectateurs, les affinités entre les contenus, entre les thèmes évoqués et autres, avaient une fâcheuse tendance quand même à orienter les séances, les usages autour des mêmes contenus, et que le principe d'hétérogénéité de l'offre et d'exploration de cette offre ne pouvait se faire que via une recommandation qui allait au-delà de mécanismes purs et simples. C'est-à-dire qu'on doit aussi se baser sur le ressenti, sur l'humain, sur l'expertise, sur l'expérience, le sensitif aussi, pour être capable d'amener, en tout cas, les cinéphiles, les spectateurs, à explorer davantage et à ne pas être enfermés dans un usage, quoi. Voilà, c'était la réaction à cette situation, effectivement, un peu. Et cette idée de cinéphilie comme désordre, est-ce que ça te parle aussi? Parce qu'il y a quand même, on en reparlera, mais beaucoup de films démargent aussi sur Outbuster. Ouais, tout à fait. En fait, mais Outbuster est parti de ce constat-là, c'est que quand le digital a un peu fait exploser toutes les barrières en ce qui concerne tous les biens culturels, c'est-à-dire que tous les biens culturels sont désolidarisés de leur support d'origine, de leur support sur lequel ils étaient conçus, on lit plus des livres uniquement sur du papier, on n'écoute plus les musiques uniquement sur des disques, aussitôt il y a un univers énorme qui s'est ouvert où du paradigme de la propriété où il fallait posséder les œuvres musicales, littéraires ou filmiques pour les voir, on est passé à juste un accès. Donc on est arrivé à un accès en illimité sur c'était le principe de ce digital, à l'illimité du choix. Et en fait, l'illimité de ce choix impose encore davantage qu'auparavant, qu'on soit guidé dans cette illimité pour soit en fonction de ses affinités, soit en fonction de sa curiosité, et que ça posait vraiment cette question de la prescription. Et Outbuster répondait à ça, c'est-à-dire que je crois que je l'avais évoqué déjà une ou deux fois, mais Et parce que vous utilisez pas d'algorithme sur Roadbuster, non, c'est non, ça aussi. Non, non, il y a aucun algorithme sur Roadbuster, ouais. Mais l'idée, c'est que pour en revenir au fondement, c'est de se dire que le digital a permis de mettre le doigt quand même sur quelque chose, c'est que de toute façon, auparavant, il y avait déjà un premier tri qui avait été fait que l'utilisateur n'avait pas décidé, qu'il était réalisé par les distributeurs, par des experts, mais déjà, ce qui arrivait et ce qui était accessible était filtré. C'est-à-dire que tout ce qui arrivait en salle, voilà, c'est le constat que moi j'avais fait à cette époque-là. 90% des écrans, c'est des films français ou américains. Quand il y a une grosse sortie, ça prend un Star Wars qui sort, c'est 800, entre 800 et 1000 copies. Il y a plus beaucoup de place pour d'autres cinémas, et notamment un cinéma plutôt de la marge, mais pas forcément de la marge dans le sens alternatif ou transgressif, juste différent, quoi. Donc d'origine de production différente, avec des thèmes qui pouvaient être différents, etc. Ce cinéma n'avait vraiment pas sa place. Donc j'avais déjà un premier tri qui avait été fait. Et juste le digital, moi en tout cas en l'occurrence à l'époque, ça m'a juste ouvert les yeux sur le fait qu'en fait il y avait quand même tout un autre cinéma qui existait et auquel on n'y avait pas forcément accès et qui était pour le moins aussi intéressant que l'autre et qu'il fallait aussi avoir des voies pour l'explorer et que aujourd'hui, je pense que ça va être le cœur de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, mais oui, on va revenir. Quand un cinéphile est lancé un peu dans cette marée énorme de films dont on a l'impression qu'elle est sans limite, il peut être un peu perdu. Et alors, le cinéphile curieux, pas tant parce qu'il s'informe, il se cultive, il sait un peu mieux ce qu'il recherche, mais le spectateur qui est simplement curieux, qui veut découvrir d'autres choses, pour le coup, il est probablement un peu plus paresseux, je veux dire, dans le sens de ça, de nourrir sa cinéphilie, et il va vers ce qui est le plus visible, parce que... Voilà, donc tout le sujet des Roadbusters, c'est de se dire ce qui est le plus visible aujourd'hui, la prime à la visibilité ne garantit pas la qualité du film, et que c'est pas parce qu'un film est très visible qu'il est très bon, et c'est pas parce qu'un film n'est pas visible qu'il est pas bon. Donc c'est juste dire, essayons de donner de la visibilité au film qui le mérite. Voilà, pour résumer. Bah super, on va commencer alors ton portrait. On commence toujours par un petit portrait chinois. Et on t'a posé trois petites questions. La première, c'était si tu étais un bourre-pif au cinéma, lequel serais-tu? Et alors, tu nous as parlé du film The Raid de Gareth Evans. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qu'est ce film? Et alors, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était encore plus que du bourre-pif dans ce film. Mais tu peux nous en parler un petit peu de pourquoi tu as choisi celui-là? Alors, ce qu'il faut savoir sur, effectivement, parce qu'on est à mon portrait, moi, j'ai aucune formation académique, universitaire, j'ai pas fait d'études, etc. Moi, la construction de ma culture ciné, elle s'est faite uniquement dans les salles et par le visionnage, quoi. Et je suis, a priori, un peu comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que ma première appréhension des films, elle est extrêmement sensitive. Elle est vraiment, j'intellectualise pas du tout. C'est-à-dire que je compare d'ailleurs souvent la cinéphilie à l'analogie. Pour moi, c'est la même chose. C'est que n'a pas besoin d'avoir le lexique, les références, le jargon pour apprécier un bon film. C'est la même chose pour un film. Et la première expérience, elle est vraiment dans son corps. Et The Raid, bon, bah, c'est exclusivement ça, parce qu'on pourra lui reprocher plein de choses sur la pauvreté du scénario, etc. Mais n'empêche que c'est hyper efficace, quoi, et que tu vis le film, quoi. La façon de tourner les scènes d'action était un peu à chaque fois qu'il y a un grand film d'action qui sort, on dit que c'est une révolution, mais à l'époque on le disait, cette façon de tourner, de pas être dans le cut permanent et de voir toutes les scènes, c'était, moi je me le suis vraiment pris en pleine face, ce film là ouais. Et est-ce que tu peux raconter un petit peu, mettre un décor à ce film, parce qu'il est assez particulier, il se passe dans un pays particulier, dans un lieu particulier? Ouais, c'est un film donc de Gareth Evans avec Iko Uwais qui l'a fait juste après Meron Tao, qui était un succès dans ce pays qui est la Thaïlande, l'Indonésie je crois. Voilà. Donc qui était un gros succès là-bas et il a fait il a réalisé ce film. Alors il avait je crois l'objectif initialement d'en faire un seul, mais qu'il a séparé en deux entre Raid 1 et Raid 2. Donc je crois que le Raid 1 était surtout de preuves au monde occidental qui était capable de manier une caméra, et que le 2, c'était de ramener un peu de scénario et un peu d'écriture et d'inscrire ça dans un contexte un peu plus ambitieux que juste des bourre-pifs, quoi. Parce que c'est des combats d'arts martiaux, en fait, pendant tout le film. Ouais, basé sur l'art martial qu'a développé un des acteurs et qu'on n'avait encore jamais vu au cinéma, qui se rapproche un peu de celui de Ong Bak, là, à l'époque, le film d'Europa qui était sorti, là, très percutant, les coups portés, etc. C'était un peu nouveau. Mm-mm. Et ce que j'ai trouvé assez étonnant dans ce film, c'est que voilà, c'est une bande de policiers qui doivent arrêter le maître de la mafia, quoi, en gros, qui se trouve en haut d'un immeuble. Et en fait, ils vont monter chaque étage. C'est un jeu vidéo. Petit à petit. Voilà. Ouais, c'est ouais. C'est assez marrant comme construction. Ouais, d'ailleurs, la troupe de policiers, au final, est assez inexistante. Enfin, je crois qu'au début du film, il doit y avoir une scène de fusillade, mais en fait, c'est l'acteur principal qui porte tout le film. Les policiers, bon, il sert juste là à tirer un peu au départ. Et après, c'est lui qui va franchir les différents niveaux pour arriver jusqu'au boss final et affronter Mad Dog, là, l'acolyte complètement surexcité et apparemment invincible du Big Boss. Mais oui, c'est pour ça que je mettais d'abord l'accent sur l'appréhension presque sensitive de ce film que sur le scénario qui est finalement assez pauvre. Mais est-ce qu'on va voir un film comme ça pour son scénario? Pas moi, en tout cas. Et toi, pourquoi tu l'as choisi? Qu'est-ce qui te plaisait justement dans les chorégraphies? Moi, c'était simplement un très bon souvenir. Je me souviens de ce film-là parce qu'il avait un peu débarqué de nulle part. Je crois qu'il avait été porté par les réseaux sociaux. Tout le monde se demandait ce que c'était que ce film. Tout le monde se disait que c'était une claque. Alors, je pense qu'il y avait un marketing. Je me rappelle plus quel distributeur l'avait sorti. Il y avait un gros marketing. Je me souviens des affiches dans le métro, etc. Et non, je pense que c'était pour moi, c'est juste un souvenir où, pour une fois, le discours marketing et de com autour de la sortie, le renouveau du film d'action, des coups qu'il porte, et c'était vrai. Voilà. Mais ça, c'est drôle que tu le soulignes parce que c'est vraiment un film d'action dont on se souvient. Parmi la flopée de films d'action qu'on peut voir qui sortent, et moi, je sais que j'en ai beaucoup entendu parler, j'en ai beaucoup parlé avec des gens qui, 2, 3, 4 ans après, s'en souviennent encore de ce film-là. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est marrant, il a quand même un public assez fidèle, assez fan. Ouais, je pense qu'il avait, pour le coup, il avait vraiment amené quelque chose de nouveau. Et donc, on s'en souvient, c'est un peu un jalon, un film un peu marquant dans l'évolution du film d'action, quoi. Mais voilà, ouais. On va passer. Non, après, c'est juste, vous m'avez demandé Bourpif, j'ai associé Bourpif directement à The Raid, mais... Voilà. C'est marrant. J'aurais pu dire Lino Ventura ou autre chose, mais. Oui, parce que je l'aurais plus associé à un cinéma français que. Enfin, parce que le mot est très français, quoi. Ouais. Et donc, c'était marrant comme réponse. Ouais, ouais, non, mais alors, Bourpif, après, effectivement, c'est un des tags sur Roadbuster. C'est pour ça. Ouais, tout à fait. Non, mais on a créé un peu cet appareil éditorial de prescription sur Roadbuster parce qu'on voulait. Et ça vient aussi je raccroche ça au fait que j'ai pas eu de formation, etc. Je voulais un peu décomplexer l'accès à la cinéphilie et dédramatiser un peu des discours qui peuvent rendre inaccessibles des films qui le sont vraiment, quoi. Je veux dire, ça sert à rien de mettre des mots trop compliqués ou de créer des barrières là où il y en a pas. Ça reste du film, du divertissement, plus ou moins ambitieux, avec plus ou moins d'histoire, plus ou moins accessible et autres. Mais d'abord, avant tout, ça reste des films à voir, à apprécier, c'est du plaisir, quoi. Et donc, d'où la création de ces tags, et notamment Bourpif, voilà, j'aurais pu dire action, kung-fu, arts martiaux, mais voilà, on dit Bourpif. On t'a demandé si tu étais un plat au cinéma, lequel serais-tu? Et tu nous as répondu The Chinese Fist de Thuy Arc. Alors moi, j'ai deux petites questions. C'est déjà, est-ce que tu peux nous raconter un peu le film? Parce que tu nous as dit que tu avais choisi ce film parce que les plats semblaient appétissants alors que c'était extravagant. Et je voulais te demander, où est-ce que tu as vu ce film aussi? Parce que nous, on l'a... Enfin, il était introuvable. Il est devenu... Oui, c'est ça, il est sorti des radars. Eh ben, merci de cette question-là. Parce que The Chinese Fist, je l'ai vu grâce à un petit éditeur spécialisé dans le cinéma asiatique qui s'appelle Spectrum et qui a une programmation simplement extrêmement riche et d'une qualité exceptionnelle. Et qui à la fois a un rôle de découvreur sur du cinéma un peu contemporain asiatique et de ressortie de films qui ont pu, de classiques qui ont pu marquer l'histoire de ces cinématographies-là. Et donc il y a eu une sortie de Chinese Fist et c'est pour ça que je l'ai vu récemment en Blu-ray. Et donc voilà, et donc ça c'est un film de commande de Thuy Arc qu'il a réalisé en 95, juste après Il était une fois en Chine et peut-être The Blade. Ouais, c'est un peu une pause pour lui dans la, alors plus dans la comédie évidemment, dans Chinese Fist on est plus dans la comédie, mais c'est une alors ce qu'on dit souvent de ce film c'est qu'il filme la cuisine comme les tournois de kung-fu, quoi. Et effectivement ce film est un peu à la base c'est sur des tournois de cuisine et la dextérité de ceux qui s'y affrontent s'approche de la dextérité des artistes martiaux, quoi. C'est-à-dire qu'ils font virevolter les couteaux, ils sculptent du soja, enfin ça vole de partout, c'est assez impressionnant et ils cuisinent effectivement. Alors l'histoire c'est que un des enfants d'un boss de la mafia, je crois, veut changer de vie, s'intègre dans une batterie de cuisine, dans une, comment on appelle ça, une batterie de cuisine, c'est ça ? Oui. Une équipe de cuisine, ouais, un restaurant, où il fait la connaissance avec la fille du patron, et il y a un petit béguin, love interest, on va dire, entre les deux qui se crée. Et ce restaurant est challengé par un autre, dans un tournoi. Je crois que c'est un chef mongol, enfin, ouais, il y a quelque chose comme ça. Exactement, et ce différent va se résoudre via un tournoi qui a lieu à la fin du film, dans lequel ils doivent exécuter donc le festin chinois, qui est à la base d'une multiplicité de plats à préparer, codifiés. Et donc voilà, ils vont s'affronter dans différentes épreuves, je crois qu'il y en a trois à la fin. Donc il cuisine, je crois qu'il y a la cervelle, alors c'est pas du tout vegan, mais je crois qu'il y a la cervelle de singe, il y a une pâte d'ours. Oui, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Et voilà, donc il cuisine ce genre de choses, c'est totalement improbable. Les trois plats du festin chinois à la fin, là, pas forcément hyper appétissants, mais dans toute la séquence au début du film, on les voit dans leur cuisine à préparer des choses qu'on peut... pas qu'on peut connaître des plats assez standards, et là ça donne envie. Voilà. Après, il y a aussi toute la folie de tueur. Je trouve qu'il y a une scène aussi, moi, qui m'a marqué, c'est une scène de comédie avec un poisson de, je sais pas, de 100 kilos qui se balade dans la salle du restaurant au milieu des convives, et ils le poursuivent tous. Le poisson leur glisse évidemment des mains, ils se retrouvent sous les tables. Scène totalement loufoque, mais voilà, efficace, quoi. Non, voilà, quand vous m'avez demandé le plat, j'ai tout de suite pensé à ça, parce que c'était aussi la récence, hein, je l'avais vu il y a pas très longtemps. Notre invité revient sur les films qui ont été au commencement de la plateforme Outbuster, dont il déplore pour la plupart l'absence dans les salles et sur les écrans français. Chemin faisant, il évoque son rapport aux conditions et aux circonstances de visionnage des films entre salles et plateformes. On t'a demandé en première question, vu que tu travailles dans la VOD depuis plusieurs années déjà, est-ce que, donc on s'en doute que oui, mais est-ce qu'il y a des films que tu as découverts grâce à Internet et qui ont profondément marqué ta cinéphilie ? Et tu nous en as cité plusieurs. Il y a notamment Deliver Us From Evil de Hall Bornedale. Ouais. Il y a The Nightingale de Jennifer Kent. Ouais, plus récent. Ouais. Et Ali Pato de Cavne. Ouais. Après, il est disponible sur Outbuster, lui. Oui, non, oui, effectivement, j'ai pas cité. Nightingale est disponible sur Filmo TV. Et Deliver Us From Evil, c'est un grand mystère. Il est disponible nulle part. Ouais, je nulle me bats part. Depuis je sais pas combien de temps pour essayer de faire. De sortir ce film. Parce que ça fait très longtemps qu'il excite un peu la curiosité des cinéphiles. Moi, j'ai eu la chance de le voir. Et effectivement, moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Hein. C'est un des films qui est à l'origine, effectivement, d'Outbuster, en me disant, mais comment un film comme ça a pu passer à travers une distribution en France, quoi. Moi, j'ai trouvé vraiment ce film exceptionnel. Et le Bornedale, on le connaît. C'est un réalisateur danois. Réalisateur danois, qui a eu des expériences hollywoodiennes aussi. Là, c'est un film, comment dire, une espèce de thriller. C'est une espèce de thriller qui se veut un peu, notamment dans une même partie, remake des Chiens de paille de Peckinpah, où on a au début du film une dame qui meurt écrasée par un camion, et dans le village, on cherche un coupable, et le coupable idéal, c'est l'immigré du coin qui est en des petits travaux, qui est un peu benêt. Alors que c'est pas lui. Alors je me souviens plus à la fin exactement, parce que je crois que justement il y a un twist à la fin, mais je vais pas spoiler. Et donc tout le film, la confrontation entre deux frères, un qui est resté dans ce village là un peu confit dans ses habitudes, la bière, le j'allais dire le chômage, mais oui, le voilà, il fait rien de sa vie, quoi. Il fait rien de sa vie, il vit de petits expédients, etc. Et son frère, lui, qui est parti depuis longtemps en ville et qui a réussi sa vie, entre guillemets, qui est devenu avocat et qui revient dans son village d'origine pour s'occuper de la maison, je crois, du coin, avec femme et enfant, etc. Et donc, c'est assez basique, hein, on a la confrontation de ces deux univers-là, entre l'un qui a pas bougé, l'autre qui a beaucoup évolué, qui s'est ouvert culturellement, enfin, tout ce qu'on veut, c'est assez basique. Et voilà, c'est cette histoire de la confrontation de ces deux mondes, quoi, entre ces villageois un peu dans l'entre-soi. Très fermé, très coupé du monde. Exactement. Mais moi, pour moi, c'est vraiment une tragédie. C'est-à-dire que au sens grec, quoi, c'est la catharsis. C'est très basique quand je l'expose comme ça, c'est effectivement très, très basique. On a l'impression que c'est. Mais en fait, c'est super bien tourné, super bien filmé. C'est très prenant. Enfin voilà, je trouve que c'est un très très bon film, quoi. Voilà, qui est un très très bon film qui, encore une fois, n'a toujours pas trouvé de diffusion et de diffuseur en France, malgré mes appels du pied multiples et répétés. On espère que ça arrivera un jour, quand même. Oui, j'ai eu une ou deux fois des contacts qui étaient prometteurs, mais qui sont arrêtés à l'état de promesse. Bon, on s'en appelle alors. Mais je voudrais que tu nous parles aussi de The Nightingale, qui est un film de 2018. Moi, il m'a fait beaucoup penser à Promising Young Woman, qui est un film qui est actuellement au cinéma, qui est dans le même genre de Rape and Revenge movie. Mais un peu subverti quand même, oui, dans les codes. Exactement. J'ai pas vu Promising Young Woman. Donc je ne te spoil pas, mais bref, ça m'a fait penser un peu à ce film-là. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce film? Parce que donc il est sorti il n'y a pas très longtemps, ouais. Et il a été complètement hué au moment de sa sortie au Mostra de Venise, je crois. Il n'est jamais sorti en France. Ouais. Nightingale, ouais. Enfin, il n'est pas sorti en salle, en tout cas. Il n'est pas sorti en salle. Mm-hmm. Il a une sortie directe en digital, parce qu'il est sur Filmo, celui-là. Ouais. Alors c'est marrant que tu fasses l'association avec Promising Young Woman et le Rape and Revenge. Parce que effectivement, sur le papier, c'est un rape and revenge. Mais en fait, la réalisatrice l'amène, moi, je trouve, largement au-delà de cette thématique de genre ou d'exploitation, en abordant des sujets qui sont beaucoup plus profonds, universels, la confrontation à l'autre, l'inscription aussi dans un contexte historique, parce que c'est effectivement l'histoire des colons anglais. Et une Irlandaise qui est emprisonnée en Australie avec son mari et leur enfant, et qui est sous la coupe d'un officier anglais plus méchant. C'est compliqué de trouver plus méchant, hein, parce qu'il est vraiment impitoyable, pervers, horrible. Et qui effectivement lui fait beaucoup de misère, jusqu'à des choses qui sont totalement choquante, hein. Je crois d'ailleurs que les scènes se veulent. C'est pas complaisant, mais c'est extrêmement choquant. Moi, je me souviens, je l'ai vu d'ailleurs avec ma femme. Et la scène de viol, elle est quand même. Trash. Elle est quand même trash et c'est assez terrible, quoi. Mais en revanche, ensuite, le film se déroule et elle part avec à la poursuite de ses tortionnaires, accompagnée d'un aborigène. Et là, je trouve qu'il y a un autre film qui commence à s'écrire, c'est le rapport qu'elle a avec cet aborigène et les exactions qui sont en train d'être commises par les colons anglais vis-à-vis de ce peuple d'origine, l'Australie. Et je trouve qu'elle arrive totalement à l'amener vers autre chose que juste le rape and revenge pur et dur, où une nana armée, déterminée, va rattraper son agresseur et se venger de tout ce qu'il lui a fait subir. Je trouve que ça va plus loin que ça. Et puis après, il y a les décors, il y a la mise en scène, les acteurs. On est dans le bush australien. Voilà, puis en plus, j'étais en train de lire un livre là-dessus, donc moi aussi, c'est, je trouve que c'est des expériences qui sont un peu uniques, qui sont inscrites dans un contexte aussi où tu les découvres. Et moi, ce film-là, j'étais en train de lire un livre sur ce conflit aborigène avec les colons. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Je trouvais ça vraiment très bien. Ça a amené quelque chose de nouveau. Que ce soit justement dans le contexte, la façon de filmer, voilà. Donc Jennifer Kent, elle avait fait Mr. Babadook, oui. Qui avait quand même glané quelques prix en festival. C'était très intéressant aussi. Une belle carrière. Alors, je l'ai pas vu, mais j'en ai pas mal entendu parler. Donc voilà, moi je trouve que c'est comme je dis, c'est un peu le cinéma du présent. Il faut arrêter de trop se tourner vers le passé. Il y a des jeunes talents, des jeunes réalisateurs. Il faut aussi leur donner plus de visibilité pour qu'ils puissent moi, j'ai envie de voir ce qu'elle va faire derrière, quoi. Après un film comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire, etc. Donc voilà, donc, je suis content d'avoir découvert ça. Et effectivement, il y a eu une sortie qu'en digital. Non, pas qu'en digital, en physique aussi, mais pas de salle. Mais t'as pas regretté, justement, mais c'est un film que j'ai regretté de ne pas voir en salle, tellement en salle, il était immersif. Oh ouais, je suis d'accord. En salle, ça aurait été pas mal. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, ça aurait été... en salle, ça aurait été pas mal. Bon. Non, mais moi, je suis pas du tout dans le conflit salle. Moi, je pense que la plupart, presque tous les films devraient se voir en salle. Après, il s'avère que les salles, c'est un réseau de diffusion qui est déjà complètement bouché, saturé. Il y a peu de place pour les films. Voilà, faut trouver. Il y a des voies de distribution qui sont alternatives pour certains films. Et ben, faut les utiliser pour qu'ils soient visibles. Après, si on peut faire une ou deux projections en salle, enfin, d'ailleurs avec Codebuster, on s'est jamais retenu. Enfin, je veux dire, quand on pouvait diffuser, on a fait des projections en salle régulièrement. Je pense que c'est important. Un film pour moi, ça peut se voir en salle, ça peut se voir chez soi. Voilà, il y a pas de rapport de hiérarchie. L'important c'est que les films soient vus. Et puis c'est diffusé et qu'ils touchent leur public, quoi. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de films qui ne touchent pas leur public, ou le public qu'ils pourraient avoir, parce que le public qu'ils ont, c'est celui qui a été acheté par des campagnes marketing ou de pub, qui fait qu'il y a des films qui tirent toute la couverture à eux, et qu'il y en a d'autres qui sont laissés sur le bas-côté. Bon, ça, c'est un discours assez traditionnel. Non, on aura l'occasion de reparler de tous ces questionnements que tu as dans ton travail aussi. Mais alors, pour continuer dans cette catégorie conditions et circonstances de visionnage, on a encore suivi les tags et les catégories de ton site, et on t'a demandé ce qui serait pour toi un bon film à voir entre amis. Et alors, tu nous as cité plusieurs films, mais qu'on pourrait séparer en deux. D'un côté, il y a ces films qui sont un peu potaches, voire nanars, donc comme Whitefire ou New Kids Turbo, ouais, qui est aussi un film sur Outbuster. Et de l'autre côté, tu nous as répondu avec Cutterhead, donc Exit, ouais, quand le film est sorti en salle en France, ouais, et qui est beaucoup plus grave aussi. Donc, est-ce que tu veux revenir sur ces trois films? Non, en fait, ce que je disais, c'est que la dénomination entre amis dépend de l'intention qu'on a dans ces séances-là. Moi, effectivement, quand on a porté la segmentation sur Hotbuster, sur le entre potes, on était plus du côté potache et soirée, plaisir coupable, un peu régressive, des films où il n'y a pas nécessité absolue de devoir réfléchir au déroulement de l'intrigue et on peut discuter devant. Voilà, c'est la définition première pour moi du film entre potes, et c'est celle a priori qui est plus associée à la catégorie sur Hotbuster. Après, il y a des films qu'on a simplement envie de faire découvrir parce qu'ils nous ont touchés, marqués, qu'on les a découverts et qu'on se dise simplement ces films mériteraient davantage de visibilité. Et c'était le cas de Cutterhead, effectivement, où donc c'est l'histoire d'une journaliste danoise qui va sur les travaux dans le métro, donc qui s'enfonce un peu dans les entrailles de la terre, littéralement, et qui va à l'encontre des ouvriers, qui sont effectivement une représentation un peu hyper mixte, il y a beaucoup d'immigrés, c'est un peu le melting pot, etc. Donc elle arrive avec toutes ces idées un peu préconçues sur comment ces gens-là cohabitent, etc. Et en fait, ça se transforme au milieu du film en un survival. Parce qu'il y a un accident, et ils sont bloqués dans un sas avec un ouvrier éthiopien, je crois. Il me semble que c'est ça, oui. Et un autre d'Europe de l'Est, voilà, qui est le contremaître, je crois. Et donc cette journaliste. Et voilà, la deuxième partie du film bascule dans ce survival, comment ils vont faire pour s'en sortir, sachant qu'ils sont à six pieds sous terre, enfin pas encore, mais ils sont voilà, dans les entrailles de la terre, et comment ils vont faire pour s'en sortir. Et d'ailleurs, cette deuxième partie est simplement bluffante, parce que la façon dont elle est filmée, voilà, moi encore une fois, c'est très sensitif comme expérience, notamment dans cette deuxième partie, parce qu'on sent l'étouffement. Faut pas être claustro, en fait. C'est complètement. Mais c'est marquant. Enfin, moi, ça m'a marqué. C'est très marquant. Et j'avais envie de le faire découvrir. Donc pour moi, tout ça c'est aussi une séance entre potes. Dans le sens comment ça s'est passé, justement, quand tu l'as fait découvrir à tes amis? C'était comment? Ils l'ont apprécié autant que toi ou? Ouais, ils ont, alors c'était ma famille. D'accord. En l'occurrence, donc effectivement, entre potes, entre familles. Oui, ça marche aussi. non, mais ils ont trouvé, effectivement, il faut savoir qu'aussi avec mes proches et ma famille, je suis souvent dans l'obligation de démontrer que sur Hotbuster, que c'est pas la visibilité d'un film qui fait sa qualité, et qu'il y a des films qui sont peu visibles et peu perçus, qui peuvent être appréciés et pas uniquement par un public hyper trié sur le volet, qui a les codes, etc. C'est des films qui sont voilà, Cutterhead, pour moi, t'as pas besoin de... C'est tellement sensitif comme expérience que t'as pas besoin forcément d'avoir toutes les références pour apprécier ce film. Non, pas du tout. Mais justement, quand tu veux partager un film comme celui-là, est-ce que t'évites de trop le vendre ou le survendre à tes amis, à ta famille? Ouais. T'essaies de leur en dire le moins possible pour pas qu'ils soient déçus ensuite? Comment tu fais dans ces cas-là? Ouais, j'essaie de pas trop en dire. C'était un des principes. Alors, à l'époque, on a un peu changé sur Hotbuster, mais c'était un des principes de Hotbuster, c'est le retour de la claque, parce que moi, ce que j'appréciais beaucoup dans les heures que je passais dans les salles de cinéma, du temps de ma prime jeunesse. C'était le noir, et la découverte des films sans vraiment rien savoir sur les films. C'est être enfermé devant la salle, ce petit moment avant que l'écran s'allume, que le film commence. La découverte, quoi. Le ressenti qu'on a d'un film, il est décuplé par la découverte. Et on apprécie d'autant plus un film dont on savait rien. Et d'ailleurs, on apprécie d'autant moins un film aussi quand on n'en sait rien. C'est-à-dire que c'est vraiment décuplé. La découverte décuple toutes les sensations, le ressenti qu'on a sur les films. Et je me souviens plus la question. Je suis parti sur quelque chose. C'est justement comment tu fais pour partager ces films sans que tes proches soient déçus si c'est des films qui te tiennent vraiment à cœur. Ouais, mais tout à fait. J'essaye d'en dire le moins possible, de dire le un pitch minimum. Les bandes annonces, j'aime pas trop non plus. Parce que je trouve qu'il y a des bandes annonces qui sont extrêmement narratives et qui racontent tout. Je trouve que c'est dommage. Il y a des films qui doivent être pris sans trop en savoir ou juste le. Enfin, après, c'est difficile de savoir c'est quoi le minimum à connaître sur un film. Mais effectivement, j'aime pas trop en dire avant. Et ça vient aussi, mais c'est aussi par opposition à cette surenchère dans l'annonce et le teasing des films qui sortent en salle. Parfois, j'avais fait le calcul au moment des Hotbusters sur. Je crois que c'était Batman versus Superman, je crois qu'il y avait plus de durée de matériel promotionnel, de teasing qui a été diffusé avant que le film, quoi. Des milliards d'extraits, 3 teasers, 25 bandes annonces, enfin, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Le film, tu l'as déjà vu, ça sert à rien d'aller le voir. Donc voilà, donc sur Hotbuster, je préfère, et sur Hotbuster, même sur n'importe quel film, je préfère qu'on ne pas trop en dire. Je comprends. C'est une bonne façon d'approcher les choses. Dans cette troisième grande partie, Étienne Métras raconte comment l'océan Internet a changé en profondeur son rapport au cinéma. Ah bah ça a simplement ouvert mes chakras. Enfin, c'est ce qu'on disait en introduction, c'est que l'accès à cette offre multiple, trop diverse, trop riche. M'a fait entrevoir le fait qu'il y avait un autre cinéma qui existait et qui était aussi riche, plus divers que celui qui avait pignon sur rue et qui était distribué, et que les standards d'écriture, de réalisation dans le monde entier, enfin en Asie, avait rien envié aux standards américains, quoi. Même si il y a de plus en plus de rapprochements entre les deux, il y a d'autres types d'écriture, d'autres types de réalisation qui valent le coup aussi, voilà. Et que moi, c'est uniquement grâce au digital que j'ai découvert ça. Enfin, je veux dire, si je m'étais jamais vraiment mis au digital, j'aurais jamais su qu'il y avait ce cinéma-là qui existait, qui était encore une fois, qui est extrêmement riche. Enfin, je veux dire, quand on regarde notamment le cinéma asiatique qui bénéficie de quelques sorties en salle et de quelques par an, festivals mais moins que sur les deux doigts d'une main, quoi, je veux dire. Alors que c'est plusieurs centaines de films chaque année. Il y a quand même des choses à côté desquelles on passe, c'est sûr. Alors, après, on m'oppose souvent le fait que il y a des choses qui culturellement ne passent pas, c'est-à-dire qu'il y a des fossés culturels sur ça. Mais moi je trouve pas. le seul sur lequel on pourrait retrouver un peu ce fossé culturel, c'est probablement la comédie. On rigole pas forcément des mêmes choses, on n'a pas les mêmes références, mais même encore, je trouve que bon, ça peut produire un autre effet, justement, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut. Alors après, effectivement, loin de moi l'idée de dire que tout doit être vu, tout doit pouvoir accéder à son public. Je pense qu'il y a des, je mets pas tout sur le même pied d'égalité. Il y a une hiérarchie, c'est sûr. Mais toujours est-il qu'il faut pas négliger cette partie, ce cinéma-là, quoi. Et aujourd'hui n'est pas. Donc voilà, le digital m'a ouvert un peu ces portes-là, m'a fait, c'était un peu le gouffre vertigineux aussi. C'est-à-dire que tu te retrouves devant une offre qui est tellement illimitée que tu sais pas comment tu vas réussir à trouver quelque chose de bien, quoi, enfin quelque chose qui va t'intéresser, et t'es à la recherche de, en fait d'un système qui te permet d'explorer, de te rassurer, de t'orienter. Alors tu utilises beaucoup le bouche à oreille, ça c'était un des principes de Ghostbusters, c'était d'ailleurs ça, c'était de dire on va vous aider à choisir et à faire le tri, quoi, parce que effectivement sinon c'est un peu vertigineux, c'est-à-dire que tu te retrouves avec moi quand je préparais à Ghostbusters à l'époque, ça commence à dater. Ouais, t'as accès à tout, enfin, de manière plus ou moins légale, d'ailleurs plutôt pas légale que légale, mais en fait t'as accès à tout, dans des qualités souvent pas forcément top, pas forcément déplorables, etc. Mais le fait est que, c'est pour ça que je parlais de ce paradigme de la propriété sur lequel on est passé d'un paradigme de l'accès, c'est que maintenant t'as accès à tout, le seul sujet c'est qu'est-ce qui vaut le coup. Et c'est pour ça qu'il y a plein de formes aujourd'hui qui se montrent, sur le principe de la curation, sur le principe de la communauté. Ça va parler de surf, ça va parler du documentaire de la création, ça va parler de voilà, il y a plein de plateformes qui se montent sur. Et je pense que c'est utile. Enfin moi, tu vois, pour prendre ma casquette entrepreneur, il y a pas toujours. Enfin, on gagne pas d'argent hein, avec une plateforme. Donc c'est voilà. Mais il y a plein de créneaux, mais il y a pas forcément des créneaux rentables. Mais voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a de petites plateformes comme ça qui montent sur ce principe de la curation. On va vous aider à choisir, parce qu'effectivement aujourd'hui on vit dans un monde d'hyper choix. Est-ce que toi t'as trouvé ta manière, justement, est-ce que t'as trouvé ton chemin en fait pour trouver les films qui te plaisent? Ouais, moi j'utilise beaucoup le bouche à oreille qui peut se factualiser notamment via des réseaux sociaux comme Sens Critique, parce qu'il y a des avis qui s'expriment, il y a des notes qui sont données, et puis il y a souvent des avis qui sont un peu argumentés, c'est-à-dire que c'est pas juste une note ou une appréciation, un pouce, c'est il y a des arguments, quoi, qui sont développés, et je trouve ça intéressant. Donc faut explorer les réseaux sociaux. Je trouve que un des premiers critères d'ailleurs de sélection, c'est pour moi ça a toujours été les réseaux sociaux, à la fois les réseaux généralistes, on va dire, et spécialisés à la Sens Critique et MDB pour avoir un accès un peu à ce qui se passe dans le monde. Et puis après, il y a toute une vie de cinéma dans les festivals. Voilà. Dans les festivals, je crois qu'il y a plus de 300 festivals dédiés au long métrage en France. Il y a beaucoup des programmations de festivals qu'on ne retrouve jamais nulle part ailleurs qu'en festival, que dans les festivals où ils ont été projetés. Même des prix du public, hein, je veux dire, même des films primés, etc., on ne les retrouve pas forcément derrière sur les réseaux traditionnels de diffusion. Donc le bouche à oreille, les festivals, d'ailleurs les festivals servent le bouche à oreille. Le succès aussi sur les territoires d'origine. Je trouve que je sais pas si on va en parler plus tard, mais le Fao Resté Cabo Clo, là, le Brazilian Western, c'était un succès immense au Brésil. Voilà, c'est aussi des signaux, tu vois. S'il y a plus de 4 millions de personnes qui sont allées voir ce film-là, qui l'ont apprécié, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ce film-là, il y a peut-être quelque chose qu'on peut apprécier aussi, tu vois. Donc voilà, il y a plein. Effectivement, c'est tout un faisceau de facteurs. Et il n'y en a pas un seul qui détermine l'autre. Et c'est pour ça, effectivement, j'en reviens à ça. C'est pour ça qu'un principe de curation, que ce soit sur Filmo, Adbuster, d'autres plateformes, est hyper important. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le temps de faire ce travail-là. On n'a pas tous le temps de passer du. Enfin, on n'a pas tous le temps d'aller sur les réseaux sociaux, de regarder les critiques, de lire, d'aller en festival, de voir tous les films. Et l'envie. Alors qu'en fait, on est tous prêts à. Jamais autant de rencontrer de gens aussi curieux de cinéma que quand j'ai monté Ghostbusters. À chaque fois que je parlais d'Ghostbusters, donc il y a quelques temps, tous ceux que je voyais étaient curieux. Tout le monde était cinéphile. Mais vraiment, tout le monde était cinéphile. Ah non, c'est top, moi aussi j'ai envie de voir ça, etc. Ouais, effectivement, ce serait bien de voir autre chose. On en a marre des super-héros, on en a marre de Franck Dubosc. on a envie de voir autre chose. Mais même ma mère, je me souviens à l'époque, dit ah ouais, moi j'ai envie de voir autre chose, etc. Tout le monde. Alors ma mère n'est pas cinéphile. Mais c'est juste pour la précision. Mais parce que les gens, ils n'ont pas le temps de nourrir cette cinéphilie, et ils ont besoin qu'on les aide, et c'est tout à fait normal. Enfin, c'est un métier, voilà, exactement. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui endossent ce rôle-là d'être des guides et de les orienter, tout en ayant les chakras suffisamment ouverts pour pas négliger une partie du cinéma, quoi. Voilà. Et Ouais. Je pense que c'est important parce qu'on est... Dans le métier d'édition vidéo, la programmation, distribution, on a tous plus ou moins nos prismes, nos filtres, on programme plus ou moins. On dit toujours, il ne faut pas programmer en fonction de ses goûts. Mais en fait, au final, on est tous conditionnés plus ou moins à choisir les films. Et avec l'expérience, au bout de 10-20 ans, on se rend compte qu'en fait, on a programmé toujours les mêmes films. et je pense qu'il faut absolument éviter ce travers-là. Et que pour nourrir sa curiosité, il faut voir d'autres choses. Il faut se nourrir des rencontres, aller en festival, rencontrer de... Et voilà. Je pense qu'il ne faut jamais se contenter de ses goûts. Pour sa carte blanche, notre invité revient sur le premier film mis en avant par Outbuster, le tendre Being Good, œuvre méconnue réalisée par Mipo Ho, cinéaste japonaise, pourtant adoubée par le réalisateur Hirokazu Koreeda. Alors le film que tu nous as proposé en carte blanche, c'est le premier film qui a été montré sur Outbuster, je crois, Being Good. De Mipo Ho, donc ouais. Une cinéaste japonaise qui a été notamment adoubée par Koreeda Hirokazu et qui pourtant n'est jamais sortie en salle en France. Ouais. On te laisse décrire la scène que t'as choisie. Alors, Being Good, en fait, c'est le film. On a pour le lancement d'Outbuster en juin 2016, on a organisé une projection en salle et c'est le film qui a été projeté. Ah oui, voilà. C'est le film qui a été projeté en salle au moment du lancement. Officiel, on va dire, d'Outbuster. Et je me souviens encore du regard des gens au sortir de la salle. Ils disaient, mais c'est vrai que c'était quand même pas mal. C'était un grand film. Non, mais c'est vrai que pourquoi ça... ça fait plaisir. Le film avait été passé au FICA, donc il était quand même passé dans un festival au moins en France, peut-être deux, peut-être qu'il était ailleurs que le FICA. Il avait un prix, hein, donc il y a un prix du public. Autre. Et c'est un film, je crois que c'est le deuxième film hein, de Mipo Ho. C'est un film choral autour d'un quartier japonais dans lequel se trouve une école. Et il y a trois personnages principaux. Il y a un enseignant, tout nouvel enseignant. Il y a une vieille dame qui a Alzheimer. Et puis, il y a une maman qui maltraite son enfant. Voilà, donc c'est tout ça. Il y a un peu, pourrait être un peu misérabiliste. Et en fait, c'est traversé par la grâce. Quoi. C'est solaire. On n'est pas du tout dans cette façon de filmer qui alourdit, qui rend triste, qui rend alors même si effectivement les thèmes sont durs, il y a quand même une manière de le traiter qui est extrêmement belle, moi je trouve. Et la scène dont je voulais parler, oui, c'est effectivement une scène de cet enseignant qui est confronté à ses premiers cours, à ses premiers élèves, qui se rend compte que sa formation, qu'il avait peut-être des préjugés, qu'il y a probablement des limites à son rôle de professeur et que ces limites peuvent être représentées par l'institution ou les parents des élèves et que voilà, il y a des choses qui sont de sa responsabilité, d'autres qui le sont pas et que ça peut être frustrant, mais que voilà. Et donc, je crois qu'il revient, il revient de l'école et il est avec sa sœur et il s'assied dans un fauteuil un peu désabusé, on va dire. Ah, il est déprimé. Au bord de... Oui, c'est ça, ouais. Il est complètement déprimé. Il est complètement déprimé. Enfin, il va vraiment pas bien. Il va vraiment pas bien. Et le fils de sa nièce, qui est là, monte dans ses bras et lui fait un câlin. En répétant à plusieurs reprises, je crois, ça va, ou est-ce que ça va, etc. Donc c'est un petit garçon qui a à peu près l'âge de ceux dont il s'occupe. Un peu plus jeune, je crois. Oui, même un peu plus jeune. Un peu plus jeune, c'est ça. Et qui monte dans ses bras et qui lui dit, qui se serre contre lui et qui lui demande à plusieurs reprises, ça va, en s'éloignant du lui, en le regardant un peu, il dit, ça va. Et évidemment, l'enseignant finit par lui faire un gros câlin. Et c'est très touchant. C'est facile, hein, mais c'est extrêmement touchant. Et c'est pas si facile que ça, en fait. Je reviens sur ce que je disais, parce que l'enfant n'est pas du tout... l'enfant, c'est une démarche qu'il a, mais naturelle, mais sans... comment dire ? Je sais pas comment l'exprimer. C'est très... je te rends un service. Enfin, je te rends un service. Je peux faire des câlins. Voilà, je peux faire des câlins, mais c'est quelque chose. C'est presque. Il le fait presque froidement son câlin. C'est-à-dire, je viens te faire un câlin. Tu as besoin d'un câlin. Je viens te faire un câlin. Voilà, je suis fournisseur de câlins. et il lui fait un câlin. Et une fois qu'il l'a fait, il passe à autre chose. Enfin, voilà, il a. Ok, c'est bon. Maintenant, ça va. Ok, je vais prendre mon bain avec mon grand-père, parce que le grand-père qui passe derrière et qui dit c'est l'un de son bain. Il n'y a pas de gravité en fait, ouais, dans son acte. Exactement, ça paraît. Et d'ailleurs, c'est ce que dit la nièce. la nièce, la sœur, qui est derrière et qui lui dit si on pouvait résoudre tous les problèmes de la vie avec les câlins d'un enfant. Je me souviens, je dois pervertir un peu le dialogue qu'il y a, mais c'est l'esprit, c'est ça. C'est, les choses seraient beaucoup plus simples, quoi. Tu vois, si ça pouvait, dans la vie, si on pouvait réduire la. Enfin, amenuire la complexité de la vie avec le câlin d'un enfant, ça. Mais d'ailleurs, ça suffirait, quoi. C'est ça. Et c'est assez drôle de voir comment lui reçoit ce câlin, justement. Enfin. Ouais, je trouve qu'il est un peu étonné au départ. Ouais, mais il est étonné, puis en fait, il a un effet sur ce professeur assez décuplé, enfin complètement il se le prend de façon beaucoup plus importante que le petit enfant ne le lui donne, en fait. C'est marrant, ce déséquilibre. Ce que j'essaie d'exprimer, c'est que lui il le fait presque froidement, l'enfant, versus la réception qu'a l'enseignant du câlin. C'est une scène qui est assez marquante, qui est assez touchante. Le film en lui-même l'est de toute façon, parce que dès qu'on touche à la famille, à des thèmes un peu universel. En plus, il y a le thème de la maltraitance dans le film. Ça touche forcément. Enfin, c'est quelque chose que on peut pas, personne peut dénier avoir que ça lui parle et que ça soit touchant. Donc voilà, c'est dans ce sens-là où c'est peut-être un peu facile, mais je trouve que c'est un très beau film. Voilà. Et puis c'est un point pivot aussi dans le film, dans le sens où à partir de ce moment-là où ils se font un câlin, le câlin va devenir une espèce de pas de running gag, mais en fait il va revenir à plusieurs moments dans la classe du professeur où il va demander à ses élèves de faire des câlins, puis après la mère qui maltraite son enfant va lui faire un câlin et lui dire moi aussi j'ai été une enfant battue, je te comprends. Enfin il va y avoir, ça va être un peu la clé qui va débloquer toutes les portes. C'est assez marrant de voir que c'est vraiment le moment pivot du film. C'est assez rare de voir que vous avez regardé les films que j'ai mentionnés. Quand même, il faut qu'on travaille. Dans cette partie consacrée à la transmission, Étienne Maîtras nous en dit davantage sur sa conception de la VOD et de la prescription au milieu des torrents de films disponibles sur Internet. On t'a demandé quels ont été les films en fait qui ont été à l'origine de la création de Outbuster. Donc il y a Being Good dont on vient de parler, il y a Favoriste Caboclo dont tu as un tout petit peu parlé aussi tout à l'heure, Deliver Us From Evil qui est très difficile à voir et Headhunters qui est plus facile à voir. Parce qu'il est sur Outbuster. Non, mais il est un peu on l'a eu, je sais même plus s'il est encore sur Outbuster en fait, peut-être. Mais il a été aussi, je l'ai vu plus tard, donc je l'ai vu même récemment sur Netflix. Oui, voilà, il est beaucoup plus disponible. Il a trouvé son réseau. Et qui est un film danois, il me semble. Non, non, mais ouais, de Morten Tildum. C'est ça. Qui a fait Passengers, je crois. Avec Pratt et Jennifer Lawrence, non ? C'est Jennifer Lawrence ? C'est ça. Ouais. Et un autre, parce qu'il a une Imitation Game, je crois. Un truc. Avec Cumberbatch. Je sais jamais comment tout prononcer. Tout à fait. Avec Benedict. Oui, tout à fait, c'est mieux. Et alors, dans tous ces films que tu as cités, est-ce qu'il y en a un ? Headhunter, c'était vraiment. Moi, j'ai vraiment pris. J'ai découvert sur un petit DVD qui était fourni par l'ayant droit, je crois, à l'époque. Dans mon salon, je lui dis qu'est-ce que c'est que ce truc-là, et j'avais trouvé ça vraiment. C'est là où je disais que il y a des standards maintenant dans le monde entier. Ils sont élevés, tous les standards de production d'écriture et réalisation se sont élevés dans le monde entier. Et on peut plus dire qu'il y a du sous-cinéma ou autre chose. C'est un thriller. Bon, il y a Lannister dans Game of Thrones, non? Oui. Comment il s'appelle? C'est l'acteur qui joue Jamie Lannister. Exactement. qui joue dedans. C'est pas le héros, mais c'est l'un des personnages principaux. Le film, il est exceptionnel. Enfin, il y a du rythme. C'est l'histoire d'un. Il est très séduisant, le film. Ouais. Ça commence sur les chapeaux de roue. Ouais, c'est très commercial. C'est un très commercial. Ouais, tout à fait. Et c'est un film, c'est plaisant parce que c'est un film de casse aussi, de vol. On vole des œuvres d'art. Et... Ouais, tout à fait. C'est l'histoire d'un chasseur de tête qui, la nuit, vole des œuvres d'art pour pouvoir se payer des babioles à sa femme, en gros. Donc il est très, très amoureux. Enfin, je synthétise. Hein, mais... Non, mais c'est bien. C'est bien synthétisé. Et il s'avère qu'à un moment, il vole le mauvais truc où il est poursuivi. Il vole la mauvaise personne. Il vole la mauvaise personne, voilà. Et il est poursuivi donc, par un être impitoyable appelé Jamie Lannister. Et voilà. Et donc, effectivement, c'est assez basique. C'est très commercial, mais c'est hyper efficace. Et on est scotché, moi, je trouve. Alors après, c'est ce que je disais sur la découverte. On est. La découverte décuple le sentiment qu'on a sur le film. Moi, je l'avais vraiment mis en ne pensant absolument rien du tout de ce film. Je l'ai mis comme ça dans le truc, je savais même pas ce que c'était. Et oui, voilà, je me suis. Si peut-être que si j'avais été prévu, je dis bon, bah finalement, oui, effectivement, c'est ce qu'on m'avait dit, c'est un thriller, etc. Mais là, j'étais scotché. Et alors, est-ce que cette découverte, ça fait partie des déclics qui t'ont vraiment donné envie, qui t'ont donné l'idée d'Outbuster, ou tu l'avais déjà avant quand même, cette idée? Alors, l'idée d'Outbuster, moi, je l'ai eu un peu avant, parce que comme tu l'as rappelé, j'ai travaillé pendant 10 ans pour le service de VOD du groupe TF1, dans lequel je m'occupais notamment. De l'assortiment en termes de contenu, donc je voyais passer toute la programmation des studios, des indépendants qu'on avait, et je me disais, il y a quand même plein de choses qui prennent la poussière, en fait, il y a plein de choses qu'on voit pas, c'est-à-dire que nous, on fait des choix de programmation. Alors, à l'époque, on en faisait pas trop, il y avait un peu de remplissage, quand même, mais il y avait quand même pas mal de choses qui prenaient encore la poussière sur les étagères des studios, et puis, bah, si déjà, il y a des choses qui prennent la poussière sur les étagères des studios, je me demande ce que ça doit être chez les indés et les petits, quoi, il y a pas mal de choses qui traînent. Donc déjà, j'avais cette idée-là de se dire il y a quand même une partie des cinéphiles qui peuvent être frustrés du manque de diversité ou du manque de visibilité de certaines cinématographies, et qu'il fallait y remédier, quoi. Donc j'avais déjà cette idée-là avant. Et puis après, c'était à l'époque aussi où émergeait ce nouveau concept qui n'a jamais vraiment éclos ou été développé, qui était le concept du e-cinéma, en disant on va créer un cycle d'exploitation alternatif à celui de la salle, et dont la première diff, ce serait du e-cinéma, ce serait une diffusion en digital, et on va essayer de construire un cycle d'exploitation à partir de cette diffusion-là. Ça n'a jamais vraiment... Voilà. Enfin, mais en revanche, moi, j'ai vu l'opportunité de cette fenêtre-là pour faire découvrir un milliard de films qui n'avaient pas accès, justement, à la voie royale de la salle, mais qui, pourtant, mériteraient d'être vus, quoi. Donc, j'avais déjà eu cette idée. Après, effectivement, enfin, concrètement, avant de mener Outbuster, j'ai passé 5-6 mois à regarder des films. Voilà. D'accord. Pour me convaincre que, effectivement, la difficulté principale dans le projet d'Outbuster, c'était pas de trouver des films. Parce que des films, il y en a. Et des films de qualité, il y en a plein. Mais de les choisir. La difficulté, ça va être de les choisir. Et après, c'est la difficulté que Outbuster a aujourd'hui et qu'ont toutes les plateformes, c'est de trouver. Enfin, d'avoir suffisamment de visibilité pour séduire et recruter un peu du public et transformer cette idée qui est très belle en un truc qui peut être pérenne et je veux dire économiquement, quoi. Donc vraiment, la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver le public sur ces... On sait qu'il y a des bons films, mais il faut trouver le public qui... Il faut convaincre les gens face à des mastodontes qui repeignent le métro ou qui rachètent un milliard de spots télé. Et voilà, quand Army of the Dead sort sur Netflix... Oui, là, il y a moins besoin de... Le truc, il tue tout, enfin... mais c'est drôle, justement, tu parles d'idée de convaincre, parce qu'effectivement, sur Outbuster, il y a des films qui viennent des marges, qui sont peut-être plus difficiles à voir. Par contre, Headhunter, c'est très séduisant dès le début, en fait. Donc, effectivement, ça peut être un film, effectivement, pour démarrer... Ouais, tout à fait, ouais. Mais... Alors moi, j'ai toujours tenu à ce qui est sur Outbuster cette même hétérogénéité qu'on peut retrouver en salle. C'est-à-dire en salle, on a aussi bien de la programmation auteur, mainstream, mais peu auteur, accessible, quoi. Jusqu'à des choses mainstream, blockbuster. Enfin, on a cette diversité-là en salle. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'elle ait lieu. D'ailleurs, le dialogue de sorte, c'est vraiment un circuit alternatif à la salle. Donc, il fallait qu'il y ait cette même diversité entre des choses un peu de niche confidentielle, difficile d'accès, des choses qui sont beaucoup plus accessibles, référencées et autres. Et effectivement, c'est une manière d'entrer dans ce cinéma-là, c'est de partir de références qu'on connaît ou de choses qui sont plus ou moins accessibles pour aller vers des choses qui le sont moins. Même si, encore une fois, je le répète, pour moi, rien n'est pas accessible. Tout à fait. Voilà, c'est... Et il y a souvent ce qui rend inaccessible les œuvres, c'est le discours qu'on porte sur eux. C'est l'appareil éditorial qu'il y a autour des films qui le rendent inaccessible. Alors qu'en fait, il faut passer outre ça et juste faire l'expérience de la découverte de ces films-là pour se dire non, mais en fait, je peux mettre mes propres mots sur ces films-là et j'ai pas besoin qu'on me le présente et qu'on me dise qu'il faille. Je sais pas comment on conjugue, mais voilà, qu'il fallait que je fasse. Mais on va finir cet entretien par notre question fétiche qui s'appelle le film refuge. On t'a demandé quel était ton film refuge et toi, tu nous as répondu que tu n'en avais pas. Alors, est-ce que tu nous as quand même répondu par un film, mais avant de parler de ce dernier film, est-ce que tu peux nous dire voilà pourquoi tu ne réfléchis pas en termes de film refuge et que c'est pas des. Enfin, alors, voilà quoi, c'est pas ça pour ce. Non, mais je t'avouerais que j'ai un peu réfléchi au sens de la question, qu'est-ce que ça signifie un film refuge. Je pense que c'est le film. Enfin, moi, la façon dont je l'ai compris, c'est le film auquel tu te réfères quand t'es. T'as besoin de te rassurer, t'as besoin de voir un bon film, c'est une référence pour toi. Non, mais ça peut être une réponse totalement. Ça peut. Mais moi, j'ai pas, effectivement, ma réponse là, c'est que j'ai pas ce genre de film. Je pensais avoir ça. Il y a des films qui m'ont beaucoup marqué. Et c'est ce que je vous disais dans la réponse, c'est que la plupart du temps, quand je revois ces films-là, je suis déçu. Parce que je leur ai fait porter tellement de choses au moment où je les ai découverts, dans le contexte dans lequel je les ai découverts, ils m'ont apporté tellement de choses que je ne peux être que déçu les revoir des années plus tard ou me dire mais en fait le moment que j'ai vécu il est pas reproductible quoi. Il est associé, lié à cette expérience là, à ce moment là, et vouloir le reproduire, j'y arriverai pas quoi, c'est compliqué. Effectivement, je donne l'exemple de Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Quand je l'avais vu, j'étais vraiment. Tu l'avais vu comment ? Alors, je me souviens plus comment je l'avais vu. Je pense que je l'avais vu. Alors, j'avais pas vu en salle. Ça, c'est. Je pense que je l'avais vu sur une édition DVD chez moi, tout seul. D'ailleurs, la plupart des films qui m'ont marqué, c'est des films que j'ai vus seul. Encore une digression, mais parce que effectivement, non, mais j'ai ma période. Prime jeunesse, salle de cinéma, etc. J'allais au cinéma toujours tout seul, moi. Quitte à aller voir deux ou trois fois les films pour les séances d'après avec des gens. Mais la première séance, j'aimais bien être tout seul. Je trouve que c'est plus facile pour. Et donc, Phantom of the Paradise, et je l'ai découvert tout seul aussi, mais pas en salle, mais j'ai découvert tout seul. Et j'ai été surpris par ce film-là, en fait. J'ai été surpris au moment où je l'ai découvert, je ne m'attendais pas à ça. Il y avait très peu de choses que j'associais au film. Je me souviens plus à quelle époque j'ai découvert ce film. Je crois que j'ai découvert assez tardivement. Je pense que je devais avoir 24, 25 ans, peut-être. Ça nous amène déjà loin. Mais voilà, je l'ai découvert tardivement. Le film existait déjà depuis pas mal de temps. Le film était déjà un classique. Il était déjà culte pour certains. J'ai passé ce pas-là. Je me dis, je vais le mettre. D'habitude, j'ai toujours un peu de... Je suis un peu réfractaire à découvrir des films qui portent tellement de choses pour beaucoup. Je trouve que c'est des barrières. Il y a des films comme ça que j'ai jamais vus et parce que ils sont trop lourds, quoi. Ils sont porteurs de tellement de choses que ils sont tellement chargés que c'est compliqué. 2001, l'Odyssée de l'espace, je le reviens, j'ai jamais vu. Mais j'ai tellement énorme, ouais. Je peux pas regarder ça. Voilà. Et Phantom of the Paradise, j'avais pas trop ça. Il véhiculait quand même tout le côté un peu culte, mais voilà, j'ai adoré les scènes musicales dès l'intro, en fait, dès le début, le petit concert là qui est fait, la musique me parlait, ce personnage de cet artiste névrosé, évidemment névrosé de toute façon parce que c'est un artiste, voilà, qui vend, dont pique l'œuvre et qui ensuite se retrouve à errer, à chercher à se venger, enfin c'est. Encore une fois, ça atteint des dimensions. C'était un peu comme ce que je disais sur le Nightingale. C'est-à-dire que de quelque chose d'extrêmement singulier et intime, on arrive à aborder des sujets qui sont très universels. Et comme Ollie Bornedal, hein, c'est que tu te confines un peu à la tragédie et ça parle à tout le monde. Et je trouve que Phantom of the Paradise, c'est ça. C'est qu'à un moment, t'as... C'est une tragédie grecque. Ouais. Voilà. Non mais ça dépasse ça dépasse la petite histoire pour atteindre le côté ça parle à tout le monde, c'est universel et voilà, ça te touche quoi. C'est grandiose. Voilà. Et après je l'ai revu. Donc parce que le deuxième visionnage et tu mais pourquoi j'avais pas et j'ai pas trouvé que c'était pas bien hein, mais je me suis dit mais comment j'ai pu faire je me suis étonné moi-même, voilà. Ça t'a pas fait le même effet, oui. Non, ça m'a pas du tout fait le même effet. Et j'ai pas retrouvé ce que j'avais pu vivre, voilà. Moi, j'ai quelques films comme ça. Et tu l'as vu aussi sur un petit écran, c'était à peu près les mêmes conditions. À peu près les mêmes conditions, sauf que pour le coup, c'était, pour la petite histoire, c'était presque encore pire parce que je voulais le faire découvrir à ma femme. J'ai dit, attends, je vais te faire découvrir un film que j'ai adoré quand j'étais jeune. Tu vas voir, c'est un très très grand film, tu vas kiffer. Dommage. Ouais, ça marche pas tous les coups. Hein, bah après, peut-être que. Est-ce que t'es encore attaché au souvenir de la découverte du film ? Enfin, ce premier visionnage Ah, bah, c'est un film qui restera de toute façon attaché. Enfin, pour quelque chose. De toute façon, une affection particulière et que je ne reviendrai jamais. C'est juste que c'est pas un film refuge, quoi. Et que je. Et justement, parce que votre question m'a justement interrogé sur ma propre façon d'envisager certains films. Est-ce que j'ai effectivement ce type de film-là ? Et non, et je me dis, à une époque, j'ai failli répondre, ne le dis à personne, le film de Jungels, que j'avais adoré ce film-là. Et c'est pareil, non, mais c'est pareil que Phantom of the Paradise, c'est des films que j'ai revus, et que au final, je trouve un peu datés, voilà, et qui me parlent plus autant. Après, on change, hein, enfin, c'est normal, tu vois, donc on évolue, mais voilà, moi, il n'y a pas d'œuvre intemporelle, pour moi, voilà. Ça évolue. Voilà, et que c'est tout cool. Ouais, puis c'est un peu lié à ce que je disais au départ. C'est pour moi le film, c'est d'abord une expérience presque sensitive, et que l'expérience elle est forcément conditionnée par le contexte dans lequel tu le découvres, et que tu pourras jamais reproduire le contexte dans lequel tu as découvert les œuvres, quoi. Voilà, donc c'est peut-être pour ça. Je sais pas. J'ai même pas trop bête des analyses derrière, parce que je trouve que c'est pour ça que je dis que moi le cinéma c'est d'abord du ressenti. Dès qu'on commence à intellectualiser. On amoindrit l'impact, quoi. C'est comme le sentiment, quoi. Dès que tu commences à expliquer les sentiments, ben, tu les as plus, quoi. Non, mais sur ces bons mots, on va terminer cet entretien. Et merci beaucoup, Étienne. Ben, merci à vous. D'avoir répondu à nos questions parfois un peu tordues. Vraiment merci. Et puis on en profite pour remercier Elodie Imbeau qui nous permet d'enregistrer à la Cinémathèque. Et comme toujours, Gabriel Régnier qui nous fait la belle musique de notre podcast. À la prochaine.